Vas-y, Olive. Bon, Gérard est toujours pas prêt, comme d'habitude. Gérard, tu t'installes, on t'avait pourtant dit d'être prêt. Hein. C'est pas gentil. Donc, c'est pour les débats. Donc, on va accueillir. On va accueillir Axel, 18 ans de Poitiers. Bonsoir, Gérard. Bonsoir, Axel. Bonsoir, Axel. Bonsoir, Axel. Non. Bonsoir, Philippe. Bonsoir, Gaël. Comment? Bonsoir, Gaël. Attends, Gaël, s'il te plaît. Non, mais on s'amuse pas à faire comme Marie-Ange Nardi, d'accord? C'est mes débats, je fais ce que je veux. C'est pas Marie-Ange Nardi, c'est Nagui, Gérard. Bon, ben. Tu la fermes. Non, mais j'ai rien dit. Déjà, tu vas pas commencé à l'ouvrir, ou sinon tu vas dégager vite et bien fait. Mais c'est bon, là. Tu vas la fermer! Bonsoir, okay. Gérard. On va accueillir Gwenaël. Bonsoir, Gwenaël. Oh, qu'est-ce que je viens de dire? Bonsoir, Gérard. Bonsoir, Axel. Bonsoir, Julie. Bonsoir, Gérard. Salut, Gwenaël. Bonsoir. Y en a qui sont starbés hein, sur Terre. Bah, attends, mais comment tu veux qu'on dise bonsoir? Bon, pour un... Comment veux-tu qu'on dise bonsoir? Bon, pour l'instant, c'est moi qui parle, d'accord? Ok. Gérard, faut qu'il arrête le café, quoi. Bon, Axel, tu vas déjà commencer par te... Tu vas la mettre en veilleuse. Par te calmer. Et déjà, pour Axel, il a rien dit, c'est pas moi. Hein. Non, mais attends... On continue, Gérard. Bon, alors, Gwenaël. Bonsoir, Gwenaël. Bonsoir, Gwenaël. Bonsoir, Axel. Bonsoir, Julie. Bonsoir, Gaël. Et bonsoir, mon chien. Bonsoir, Gwenaël. J'ai dit déjà bonsoir, Gérard. Et bonsoir, Carole. Oh. Bah attends, tu permets, toi, Carole, je suis pas arrivé à toi. Attends, toi, Gérard, j'ai des comptes à régler avec toi, d'accord pareil. Alors, tu vas te calmer maintenant, ok? Non, tu la fermes, sinon tu dégages. Déjà, si t'es pas content, toi, tu vas virer vite fait, d'accord? Pour l'instant, je suis avec Gwenaël, d'accord? Ah bon, tu parles à qui, là, Gérard? Je parle à Gwenaël, d'accord? Je dois. Tu vas te calmer. Bonsoir, Gérard. Bonsoir, Gwenaël, merci pour moi de m'avoir répondu. C'est sympa à toi. Bah, c'est bien français, ça. Hein. Ouais, écoute bien la France, Gérard, quand même. Attends, hein. Ouais, non, mais attends pas. Je vais m'occuper de ton cas après, Gwenaël. Pourquoi? Il va se sodomiser hors antenne. T'as une voix toute mielleuse, Gérard, avec Gwenaël, c'est drôle. Mais alors, c'est... qui c'est qui demande ça? Bah, c'est normal, Gérard, c'est Winnie l'ourson, il mange du miel. Alors, Gwenaël, qu'est-ce que t'as à répondre là-dessus? Qui a une voix toute mielleuse? Ouais. Non, rien du tout, d'accord. Je suis Winnie l'ourson. Bon, ta bouche à toi, Médor. On va connu Gwenaël. Ouais, c'est moi. Salut, Gwenaël. Bonjour. Ouais, comme par hasard, comme si j'avais pas l'air en train. Ouais, on a à peine reconnu les voix, là. Je suis la première fois que je passe sur l'antenne, Gérard. Ouais, c'est ça. C'est ça, comme par hasard. C'est ça. Comme par hasard qu'il est là. Par hasard, Gwenaël, il est là, bien sûr. Allez. Patchouli. Bonsoir. Bonsoir, Patchouli. Bonjour, monde de seigneur. Vous éteignez les radios derrière, s'il vous plaît. Bon, tu te calmes. Bon. Bonsoir, Gérard. Bonsoir à tous. Attends, Axel. C'est pas moi, mais j'ai rien dit, là. Déjà, je vais pas commencer. Il faut pas prendre des gens pour des canards sauvages non plus. Tu la fermes. La polio sexuelle, là. Bon, Manu, là, tu vas te réveiller, je te le dis tout de suite. Ok. Tu vas te manier, tu vas calmer celui qui s'amuse avec la musique. Dans ta place, avec ta caméra. On y va, Gérard? Bon, on va peut-être commencer, là, quand même, hein. Non, mais je vais continuer les présentations, d'accord? C'est moi qui commence. Ok, on en a pour trois quarts d'heure, c'est cool. On va accueillir Carole, 22 ans de Paris. Bonsoir, Carole. Bonsoir, Carole. Bonsoir, Carole. Bonsoir, Carole. Bonsoir. Bonsoir, Carole. Bonsoir, Carole. Bonsoir, Carole. Bonsoir, Carole. Bonsoir, Carole. Bonsoir, Carole. Arrête, Carole, tu me fais bander, là. C'est vrai. Bon, ben, j'en connais tout à l'heure qui vont faire un débat et qui vont dégager, ça va aller vite. Bonsoir, Gérard. Et Ludivine. Bonsoir, Gérard. Bonsoir, Ludivine. Bonsoir, tout le monde. Bon, première question. Alors, je vous préviens, vous avez intérêt de... Vous avez intérêt de vous réveiller. On est réveillés, là. Arrêtez, descends dans la cabine. Première question, Gérard. Déjà, première question. Une, c'est pas à vous que je m'adresse. Ok. Non, tu baisses ta radio. Si vous pouviez éviter au début du débat systématiquement de parler à quatre en même temps, c'est inaudible. Donc essayez de respecter Gérard et ses questions. Et petit à petit, on va descendre dans l'enfer. Déjà une. Déjà, il y en a un qui est avec un portable. Ah, ouais, on l'entend. Avec un portable. C'est Gwenaël. C'est un téléphone pourri, Gérard. C'est Gwenaël. Évitez de parler en même temps tout le temps, s'il vous plaît. Merci. Donc, je te préviens d'une chose. S'il y en a un, si vous avez pris l'agenda pour rappeler les mêmes, c'est même pas la peine. Gwenaël, attendez, s'il vous plaît. Gwenaël, est-ce que tu as un téléphone portable? Non, je n'ai pas un téléphone portable. Je vais te dire ouais. D'accord. Donc, je préviens tout de suite que le premier qui me met du son dans les oreilles et qui a un téléphone pourri. Gérard, première question, s'il te plaît. Ouais, ben attends, pour l'instant, c'est moi qui commande et déjà, vous allez vous la fermer. Bah alors, première question. Pour le compte de couple. Je te préviens, Axel. C'est pas moi, j'ai rien dit. Non, mais c'est jamais toi. Bon, pour ou contre quoi, Gérard? C'est pas moi, c'est Ricky Martin qui arrête pas de me dire des conneries. Bon, ouais. Tu as commencé par me calmer un peu. Okay. Je me calme. Gérard, première question. Alors, pour ou contre la vie en couple? Alors, je vais demander à Ludivine. Oui, Gérard. Alors, quelle est ta question? Parce qu'avec tout ce brouhaha, moi, j'ai rien entendu. Alors, pour ou contre la vie en couple? La vie en couple? En couple, hein? En couple, je connais pas. Alors, pour ou contre? Oh. C'est qui encore ce abruti là qui déconne quand je pose des questions? Oh, c'est qui ça encore? Gérard, t'es infidèle. Gérard, puis-je répondre à ta question? En caramel, on t'a reconnu. Oh! Manu là! C'est bon, pose la question! Pour l'instant, je pose une question à une nana. Pour l'instant, j'ai les mecs qui répondent. Alors, ils vont se taire 5 minutes. Et alors, Ludivine. Alors, oui, Gérard. Pour ou contre la vie en couple? Alors, je suis contre la vie en couple. En couple? Tu es pour la vie en couple? Le mec que j'entends, ça, il se dégage! T'es contre la vie en couple, c'est ça? En couple, oui. Et pour la vie en couple? Et voilà. Et pour la vie en couple. Oui. Entrez. Ouais. Qui va là? Oli. Qui va là, je te prie? Gérard, j'ai peur. C'est quoi la question? Gérard, il y a quelqu'un. Vous y avoir mis bien profond? Attention. Je te préviens, tu vas te démerder. Non, Gérard, il y a quelqu'un. Tu vas te démerder, Manu, au standard. Bon, ça va pas durer les deux débats comme ça. Alors moi, Carole, c'est pas comme ça avec le bruit et le mec avec la musique Gérard, derrière. Gérard, tais-toi. Moi, je pense que vivre en couple, c'est tout à fait possible. Qui c'est qui parle? Carole. Carole. Mais elle a répondu à la question, mon amour. Ouais, d'accord. Bon, alors, je réponds parce que je pense que le débat n'avance pas. Vas-y. Non, mais elle a raison. La vie en couple, je suis pour, mais il faut une indépendance. T'es pas d'accord avec moi, Gérard? Non, pour l'instant, j'ai... C'est-à-dire, quand j'aurai envie de sortir seule, je sortirai seule. Quand tu auras envie de sortir seule, il sortira seule. Du moment qu'il y a la confiance, tu penses pas, Gérard? Ben ça, pour l'instant, je vais faire le tour et je répondrai à ta question. Ah, ok, chacune derrière les autres. Pas de folie? Oui, Gérard. Ouais, ben moi, c'est pareil que Carole. C'est une certaine indépendance. Mais ouais, la vie de couple, c'est important. D'accord. Voilà. Bon, à mon avis, de toute manière... Va dégager. Pourquoi? Qui va dégager? Non, pour un son, connard. Attends, répète. Ouais, attends, vous me laissez parler, là. Moi, je pense que la vie en couple, c'est bien, mais... parce que, bon, c'est le symbole que t'es avec une personne, mais bon, à la limite, je vais te dire ouais, quoi. Non mais attends, connard, de toute manière, tu crois que j'ai pas reconnu ta voix? Attends, mais non, mais... Mais Gérard, t'es un habituel, alors tu dégages au standard, je vois pas des habituels sur le premier débat. C'est un habituel, il s'appelle David. Il s'appelle David, c'est un habituel. Je veux pas le savoir. Moi, je voudrais dire que Gérard, David n'habite pas à Lyon, connard est de Lyon, le numéro c'est 0, ça commence... Mais là, c'est quoi là, ce bordel? Attends, il y a plusieurs gens qui font... Non mais attends, c'est quoi là? Il y a une jouissance partie à côté, là, mais oh, oui, tu m'étonnes. Ouais. Non mais c'est bien, jouez au con standard. Ok. Donc bah moi je suis pour la vie de couple. Parce que bon bah je suis content de Lucas. De toute manière, un homme ne peut pas se passer d'une femme et la femme ne peut pas se passer d'un homme non plus. Mais l'homme ne peut pas se passer de l'homme et la femme. Non, mais attends, pour l'instant. Exactement. Oh, pour l'instant, je pose la question à Gwenaëlle. Les autres derrière, vous la fermez, s'il vous plaît, merci. Donc, je disais que c'est trop la vie de couple. Et parce que bon, ça solide les liens dans un ménage, quoi. Attends, 5 minutes, Gwenaëlle. Là, Gérard a compris son micro. Le mec de Lyon, c'est un habituel. D'accord, c'est quelqu'un que vous avez rappelé. Je veux juste te dire qu'un débat, c'est pas chacun son tour. Quand les deux filles, elles veulent parler, tu peux laisser. Ça s'appelle un dialogue. Ouais. C'est pas juste chacun son tour. Et mais tu attends, mais... Question. Ouais, mais dans ces cas-là, c'est pas... Laisse ton truc allumé, c'est pas... Non, non. Mais dans ce cas-là, c'est pas la peine de s'amuser avec le mec de Lyon, alors que je reconnais sa voix. Bon, d'accord, mais attends. Mais ceci dit, quand les nanas vont parler entre elles, tu les laisses parler, ça sert à rien de dire chacun votre tour, on dirait un dictateur. Ouais, bah alors. Après, tout le monde veut mes réactions. Mais non, alors, déjà, le connard de Lyon, j'y répondrai pas à sa question. Tu dis à Manu qu'il... Alors, le connard de Lyon, dehors. Ok. Le connard de Lyon. Allez, Gérard. Attends, Gérard, c'est la première fois que ça t'a répondu. Tu sais pas juste poser des questions, c'est nul tes débats, c'est marrant. Bon, Max. Bon, pour l'instant, c'est moi. Donc, je termine avec Gwenaëlle pour la question, et après, je pose à Axel. Et après, je réponds. Celui qui s'amuse à tirer sa crampe en même temps, il va dégager. À tirer sa crampe ? Sa crampe. Ça veut dire quoi ? À tirer son cou en même temps quand je parle. Ça te dérange ? Oui, ça me dérange. Ça devrait être agressif. Alors, celui qui a la radio derrière, il arrête. Le portable, il arrête. Ouais, Gérard, on démarre le débat quand tu le sens, quoi. Hein bon, quand tu le sens, hein. Bon, Gwenaëlle, pour terminer. Ouais, ben Gwenaëlle, elle a répondu, donc elle est d'accord pour être en couple. Mmh. Et que je trouve qu'il n'y a rien de tel pour un homme qui aime une femme et vice-versa de consolider les liens en formant un couple, en formant un seul être. Mmh. D'accord. Axel, pour terminer, impressionne ma réaction. Ouais, bah moi je suis pour la vie en couple, quoi, parce que tu sais très bien que quand on aime quelqu'un, on est forcément deux. Mm-hmm. Et donc deux est égal forcément à un couple. Donc moi je suis pour la vie en couple, quoi, et vive l'amour, quoi, je vais dire. Alors je te préviens, Axel, si t'as quelqu'un derrière toi, tu le dis tout de suite. Eh, y a personne derrière moi, mais putain. Mais Gérard, allez. On accueille Jérôme. Salut Jérôme. Salut. Bonsoir Jérôme. Salut, j'appelle Bordeaux, je m'appelle Jérôme. Ah bah c'est bien, bon, alors tu réponds. Bah moi je pense que la vie en couple c'est bien. Mm-hmm. Parce que moi c'est ce que je dis, c'est ce que je pense, c'est que... celui qui s'amuse avec la CB. Les CB et les portables, vous arrêtez, d'accord? Vous n'aurez pas la réponse sur ma première, ça vous apprendra. Est-il possible de vivre en couple à 3 ou à 4? C'est plus en couple déjà. D'accord, mais c'est juste un couple de vivre à 3 déjà. Bon, on va demander à Carole. Alors moi, j'aimerais bien vivre avec une femme et un homme en même temps. Mmh. Ouais, ben, Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'aime les femmes et les hommes, Gérard, tu le sais très bien. Est-ce que je te plais, Gérard? Non, tu me plais pas du tout. Ah bon? Carole, tu veux vivre avec moi? Ouais, je veux bien. Et mais avec moi? J'ai bien, on fera l'amour à trois, alors. Ouais, bah ouais. C'est clair. Je sais pas si on peut inviter Gérard, mais... Non, mais attends, Gérard, on est en train de... Je sais pas, on parle de la vie à trois, là. C'est super intéressant. Non, mais pour l'instant... Gérard, il aime pas les filles. Comment? Non, mais c'est vrai, Gérard, t'aimes pas les filles. Et je préviens, une chose, ouais. Celui qui s'amuse à balancer des conneries en remix derrière, il va virer. On n'en finira jamais, Gérard, de ton débat, hein. Non, bah, si t'es pas content, c'est le mépris, tu raccroches. Oh, Gérard, on va tout jouer. Ok. Oh, c'est Gonard de Lyon, ça, j'en suis sûr. Hein. D'accord. Gonard de Lyon. Non, Gonard de Lyon, il est plus là, c'est Jérôme qui l'a remplacé, d'accord? Bah oui, je sais, c'est moi. Non, mais attends, si tu te fais passer pour un autre nom, mon pote, c'est pas la peine, hein. Bon, on avance pas, là. Je te dis que c'est Gonard de Lyon qui fout le bordel, là. Bon, toi, tu la fermes, déjà, ok? D'accord. Gérard, j'ai pas commencé à m'emmerder sur le premier débat. C'est bon, d'accord. Gérard, c'est clair et net. Gérard, t'as vu? À la suite. Quelle est la... Vous arrêtez, s'il vous plaît. Ouais, au standard, là. Manu, tu me vires tous les mecs, là. Non, mais c'est bon, on a rien fait. Mais pourquoi pourquoi Gérard tous les mecs non, non, non, non, je veux pas savoir, il y a quelqu'un qui a une musique derrière. C'est une fille qui fait ça. Non, il y a aucune nana qui s'amuse. C'est ça qui est marrant, quoi. C'est tout le temps les mecs et jamais les filles. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il y a que vous. Il y a apparemment. Avec des mecs à l'antenne, bien sûr. D'accord, David et Loutier et Arnette. Vous croyez que je vous ai pas reconnu? Ils sont pas là. Ouais, bien sûr, on t'a reconnu, Fantomas. Enlève ton masque. Arrêtez vos conneries, d'accord? Bon, Gérard, avance. Je vous ai à peine reconnu. Gérard? Ah, Axel. Et moi, tu m'as reconnu, vachement David, ouais, bien sûr. Hein. Hein Gérard, ouais. Gérard, tu m'as reconnu, moi. Alors maintenant, vous avez... c'est ça. Comment T'es pas poli, Gérard. Non, mais attends, de manière, j'avais précisé, je veux pas les mêmes. Et comme par hasard, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Qu'est-ce que pas mais Manu, gamin. Non. Mais non, c'est moi qui est là, Gérard. Moi, je l'ai pas reconnu, en tout cas. Non, c'est pas les mêmes. Non, presque pas. Alors, arrête de gueuler, reprends ton débat. Non. Gérard, c'est pas les mêmes. Mais non, c'est pas les mêmes. Presque pas. Non, c'est pas les mêmes. Dis pas de bêtises. Gérard, je crois que je reconnais pas leur voix. Reprends le débat, Gérard. Gérard, allez. Gérard, je disais que je pensais effectivement qu'un ménage à trois était la meilleure des solutions. Pourquoi pour toi? Parce que je t'ai déjà dit, j'aime les femmes et les hommes. Donc ça serait bien d'être à trois. Mais pourquoi? Parce que j'aime lécher les moules, tu comprends pas ou quoi? T'as jamais fait ça ou quoi? Bah ouais, ça. D'accord. C'est insupportable. Donne ton avis. Moi, de toute manière, je suis contre. Et toi, Gérard? Jérôme, il peut répondre. Ouais, vas-y, Jérôme. Moi, je pense que c'est bien parce qu'on peut avoir plus de plaisir. Enfin, pour un mec, s'il est avec deux filles ou s'il est pédé, il peut être avec un mec et une fille. Oh, exactement. Voilà, c'est ça en fait. C'est pour le plaisir, quoi. Et toi, Gérard? Mais ça peut pas être durable. Gérard, et toi, ce que tu aimerais avoir deux femmes? Non. Gérard? Oui. Donc c'est Gwenaël. Oui, Gwenaël. Et donc, moi, je trouve que, oui, bon, c'est possible d'avoir un couple à 3 ou un couple à 4. À ce niveau-là, j'appelle tout ça un couple. Et non, pourquoi? Attendez. Mais alors, maintenant, pourquoi, pour toi, pourquoi Gwenaël pour toi? Ouais. Eh ben, pourquoi? Tu me les calmes là derrière quand Gwenaël parle, s'il te plaît, quand on pose une question. Ils sont calmés, Gérard. Gwenaël peut parler. Un couple, c'est deux personnes, et non pas trois ni quatre. L'homme se donne entièrement à sa femme et la femme entièrement à l'homme. On fait pas l'amour à trois ni à quatre, quoi. Ça c'est pas. Alors, une partouze. Mais pourquoi pas? C'est un trio et 4 c'est un poitueur et c'est tout. Ouais, non, mais attends, Tony et Arnette, là pour l'instant j'ai reconnu vos voix, d'accord? Mais je voudrais passer un bonjour au cochon. Non, c'est bon. Gérard, Axel, est-ce que tu peux répondre s'il te plaît? Pour l'instant, je vais répondre à Gwenaël. Ouais. Moi, je vais te dire une chose, je préfère l'amour à deux qu'à plusieurs. Ouais, Jean-Luc, Gérard, c'est Axel, est-ce que je peux répondre? Pour l'instant, je réponds à la question à Gwenaël, je dis, je préfère être à deux qu'à plusieurs, parce qu'à deux, c'est le plus beau, mais c'est tout. Avec voilà. Gérard, t'as répondu à la vie, alors. C'est plus beau comment? Maintenant, celle qui dit que j'ai pas compris la vie, je dis une chose, que j'irai jamais faire échange avec une personne que j'aime. Gérard, est-ce que tu m'aimes, alors? Gérard. Est-ce que tu veux qu'on fasse l'amour? Qui? Carole. Maintenant, là. Pourquoi? Maintenant, téléphone. Non, Carole, je te dis non. Pourquoi? Tu vois quand même. Parce que la dernière fois, j'étais avec Samir, c'est ça? Non, mais de manière. T'as pas besoin de donner les noms à l'antenne, hein, d'accord? C'est avec Carole. Carole. Oui. Carole, je te préviens. Oui. Tu donnes qu'un. Tu redonnes encore un nom comme ça, de manière que tu n'as pas assez longtemps. Je te le dis tout de suite. Excuse-moi, maître de l'univers. D'accord. Alors, quel est le. La vie. Non mais Gérard, je crois qu'elle voulait faire l'amour avec toi au téléphone, Carole. Non, ouais. Allez Gérard, mais sois pas jaloux Gérard, je suis 4 fois. Gérard, la dernière fois j'avais plus un verre de trop, tu comprends? Non mais attends. Moi j'ai une question Gérard, à quel âge t'as commencé tes premières relations sexuelles? Ouais. Non mais attends. Je pense que ça intéresse tous les auditeurs. Ça vous intéresse? Pour l'instant c'est pas le jeu de la vérité. Bon non, mais attends. On est dans les débats. Qu'est-ce que tu voulais dire Gérard? Quelle est la différence entre le couplet? Entre ta couille droite et ta couille gauche, c'est ça? Bon, alors, hop. De quoi? Hop. Tu me les vires. Ça vaudra attends, mieux. Gérard, attends. Non. non, mais attendez. Pour l'instant, c'est moi qui commande, d'accord. Il y en a qui s'amusent à mettre de la musique alors que je pose mais des non, questions. Mais non, mais écoute, Gérard, attends. Gérard, tu sais très bien comment je t'aime. Je suis folle de toi. Qui? Carole. Non mais attends, faut pas prendre des gens pour des canards sauvages. Faut pas prendre des gens pour des cons. C'était pas fait la bise, c'est pour ça. Non mais attends, ça m'aurait pas de chance. Mais la prochaine fois, je te ferai un smack si tu veux. Ouais non mais attends. Pour qui elle se prend, elle? Il y aura pas de prochaine fois, je te le dis tout de suite. C'est vrai, mais qu'est-ce que t'as contre moi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Non mais rien du tout. Bah alors, explique-toi. Non mais de toute manière, je m'explique pas en direct, d'accord? Ouais d'accord. Ok. Alors, en de bon entendeur, salut. Mais t'es jaloux simplement, c'est tout. Ben alors, je fais ce que je veux, d'accord. Je règle pas mes comptes en direct. Ok, on verra ça en rentaine, mon amour. Ben, de toute manière, en rentaine, je te reprendrai pas en rentaine. Oh là là, monsieur, ça pète, hein, depuis qu'il est une star. Ben, ça y est, carrément, hein. Donc, maintenant, vous avez écouté la quatrième. Oui, la vie en couple est-elle plus facile et plus amusante? Alors, on va demander à Axel s'il est toujours là. Ouais. Alors, ouais, la vie en couple, c'est beaucoup plus amusant qu'à une personne, c'est sûr. Ouais. Quand on veut faire l'amour, vaut mieux être à deux que tout seul. Non, mais la vie de couple est-elle plus facile et amusante? Alors, tu me réponds. Mais attends, mais Carole, pour l'instant, tu te tais, pas. C'est pas Carole, alors, tu vas te calmer maintenant, ok? Bon, c'est qui, ça? On peut revenir sur la question, là? C'est qui vient de parler comme ça, là? C'est Axel. On peut revenir sur la question, s'il te plaît? Non, mais la nana qui vient de me parler comme ça, va se calmer. C'est Carole. Ah, c'est pas moi, c'est pas vrai. Enfin bref. Ouais, c'est pas grave, passons. Enfin, tu disais, passons. Ouais. Bon, alors, dans ce cas-là... Mais c'est quoi ce bordel, là? Oh! Allez! Gérard, t'es sur un portable ou quoi? Axel! Oui? Tu réponds, s'il te plaît? Tu peux reposer la question, s'il te plaît? Non, je viens de te la poser. Mais t'as dit... attends, est-ce que tu crois que la vie de couple est plus... Amusante! Tu travailles, s'il te plaît, ou tu dégages? Et plus quoi? Amusante! À plus amusante que quoi? Oh non, elle dégage! Explique-moi, Non, je m'en fous. Grenelle, je t'écoute. Donc, apparemment, Estelle n'avait pas compris la question. Bah, c'est uniquement, à mon avis, que tu veux savoir si, dans un couple, on s'ennuie ou si on s'ennuie pas. Alors, moi, je dis que c'est uniquement, déjà une entente avec son partenaire. Mm-hmm. C'est très important. Et par la même occasion, il ne faut pas tomber dans la routine habituelle. Voilà, je suis d'accord. Moi, bon, je suis d'accord aussi. Il faut changer des habitudes de manière à ce que ce ne soit pas toujours répétitif. Bon. Et tout ça aussi. Bon, c'est bon. Alors, je vais poser la quatrième question. Et moi, je ne sais pas, Gérard. Non, mais on est tous d'accord. Ouais, j'en connais tout à l'heure, je vais les prendre en antenne et ça va chier. Ah, j'ai vu, hein. Ça va faire mal tout à l'heure. J'aurais peur, hein. Ouais, de toute manière, Gwenaëlle, je te prends tout de suite pendant la musique. Les nouveaux folks avec c'est à toi de faire la vaisselle. C'est à toi de faire la vaisselle, nouveaux folks. Bonjour. Les nouveaux folks avec c'est à toi de faire la vaisselle. Voilà, d'accord. Et on se retrouve. Et la quatrième question. C'est quoi? La quatrième question. Non, Gérard, ton casque. Gérard, vite. Et tu poses la quatrième question. Et la quatrième, c'est... Non, la cinquième. Que pensez-vous des couples célibataires? Voilà. Ok. Et voilà. Donc, toujours la suite des débats du jeudi soir. Donc, on va récupérer... On récupère Axel. Rebonsoir, Gérard. Rebonsoir. Gwenaëlle. Rebonsoir, Gérard. Patchouli. Patchouli. Rebonsoir, Gérard. Bonsoir, Carole. Bonsoir, mon amour. Bonsoir. Ludivine. Non, c'est Valérie, Gérard. Valérie à la place de Ludivine. C'est Valérie à la place de Ludivine. Oh. Valérie, bonsoir. Salut, Valérie. Bonsoir, Gérard. Bonsoir, Valérie. Bonsoir. Valérie, on se réveille, s'il te plaît. Je suis réveillée, mais si tu m'entends pas, c'est pas ma faute, hein. Voilà, bon. J'ai pas lavé les oreilles. Oh. On se calme. Eh, poupoune. Bon, Jérôme est toujours là? Ouais, il est toujours là. Ok. Donc, on y va sur la cinquième. Ouais, terrible la cinquième question. Carrément, vas-y, répète. Là, bon, t'es lesquels pour moi, Gérard? Moi, je peux pas répondre. Ouais, pour l'instant, vous allez vous taire. Non, vas-y. Vous allez vous taire et c'est moi qui pose la question, d'accord. Et vous répondez chacun votre tour. T'es enfant, d'accord. Toi. Ok, je vais te dire, ouais, d'accord. Celui qui s'amuse à dire ça, il va tourner voir Manu au standard. Ah, ouais. D'accord, merci. Donc moi, je voudrais répondre à la question de Gérard. Alors, que pensez-vous? Les couples célibataires. Voilà. Donc, alors, moi, On va demander à Valérie, tiens. Oui. Valérie, pour toi. Qu'est-ce que tu penses de l'autonomie, alors? S'il te plaît, il y avait tout le monde qui parlait. Bon, alors, que pensez-vous des couples célibataires? Bah, tu peux me tutoyer, hein. Que penses-tu des couples célibataires? Ben, j'ai jamais essayé. Et puis, c'est pas évident, mais ça doit peut-être être bien, pourquoi pas. Mm-hmm. C'est quoi un couple célibataire? Diront-ils répondre. C'est quoi un couple célibataire? Non, mais, c'est non, mais à toute manière, un couple célibataire, pour l'instant, c'est qu'ils sont pas mariés, d'accord? Ils vivent, on sait pas s'ils vivent en concubinage. En concubinage ou autre. Ah, ben alors, comme toi, Gérard. Non, mais moi, pour l'instant, je suis... C'est pas le jeu de la vérité, d'accord? Okay. Donc, si vous voulez mon avis, à l'heure actuelle, je suis divorcé, donc pour l'instant, j'ai personne. T'as combien d'enfants? Plus enfoncé à l'arrière, quand même. Hein. Bon, alors, dans ce cas-là, Manu... Puis ça y est, il est parti. Tu le chopes, celui-là, de manière, ça y apprendra. Il aura compris sa douleur. Et j'en connais un autre tout à l'heure, si ça continue, il va faire le même topo que l'autre. Hein. Qui ça? Pareil, qui ça, tu vas voir tout à l'heure, qui ça? Par exemple Carole. Ah ouais, d'accord. Alors, Non, mais ouais. Tu fais Carole. Je veux dire, ouais. Tu me prends, ouais. Tu me les prends tous quand quelqu'un veut parler, là, parce que c'est le vrai bordel, hein. Merci, Gérard. Voilà. Donc, Carole, tu réponds, s'il te plaît. Alors, moi, je pense que les couples célibataires, ça n'existe pas, puisque pour moi, un couple célibataire, c'est une seule personne. Mmh. Mais qui forme un couple. Une seule personne qui forme un couple, c'est ça, Gérard? Ah mmh. oui, là, effectivement, bah, ça peut exister. Ben, bah, attends. Comme Gérard. Ah oui. Gérard forme une seule personne. Ça fait longtemps que t'es avec ton conjoint, Gérard? Gérard, il est plein. Ça fait longtemps que t'es avec ton conjoint? Pour l'instant, je suis avec personne et je commence à n'avoir ras-le-bol. Et ton couple va bien? J'ai pas regardé ce matin s'il allait bien, mon couple. Ça vous apprendra. Donc, Carole, tu continues? Oui, donc j'ai répondu à ta question. D'accord. Pas de soulis? Bah écoute, moi ce que je pense, c'est que ça peut être pas mal, point de vue, tout ce qui est impôts, etc. Quand même, se marier, ça veut peut-être dire quelque chose si ça prend quelque chose. Attends, pas de soulis. Oui, Gérard. Bon, moi je vais te dire une chose. Oui. Est-ce que tu crois se marier? Oui. En étant jeune? Oui. Ça, pour vous, ça vous fait quelque chose. Est-ce que tu préfères pas, avant le mariage, parce que de toute manière, on va revenir là-dessus, on va revenir sur... Gérard, excuse-moi, oui. 30 secondes, on a Nicolas à la place de Jérôme. Salut Nicolas. Salut Gérard. Salut. Ça va? Mmh. Dorwan. Oui, d'accord. Gérard. Bon, celui qui s'amuse à mettre la musique derrière, il se calme, s'il vous plaît, merci. Gérard. Donc, je réponds à Patchouli. Oui. C'est Gwenaël qui voulait poser une question. Non, si vous voulez répondre. Oui, mais attends, Gwenaël. C'est parce que j'ai une raison. Oui, mais je vais répondre à Patchouli, s'il te plaît. Ben, c'est justement pour aller en rapport avec Patchouli. Bon, ouais. Donc, moi, je vais vous dire une chose, la meilleure chose à l'heure en ce moment, et même maintenant, c'est pas le mariage qu'il faut voir tout de suite. Attendez, pour l'instant, je réponds, parce que je vais vous dire une chose, si vous vous mariez trop vite, vous savez comment ça se termine. Ouais, un divorce. Un divorce, et après... Comme toi, Gérard. Et après, 12 enfants sur le dos. Donc, je peux intervenir, Gérard? Celui qui s'amuse avec ça, il va se calmer tout de suite. Donc, on m'a demandé. Non, il n'y a pas de caramel. Attends, il y avait quelqu'un qui voulait intervenir. On va demander à Gwenaël. Ouais. Mais il en a que pour Gwenaël. Donc, c'est pas possible. Non, mais attendez. Non, mais c'est la grande histoire d'amour. Attendez, qui c'est qui est pas content là? Parce que je donne la parole à Gwenaël. Non, mais attends, ne nous dis pas qu'il n'y a rien entre toi et Gwenaël. Pour l'instant, Gwenaël n'a pas encore répondu à la cinquième, maintenant elle va répondre. D'accord? Et avec Gwenaël, il n'y a rien entre nous, d'accord? Vas-y, Gwenaël. Ok. Alors, si vous n'êtes pas contente, c'est le même prix, les trois nanas que j'ai. Ok, oui, Gérard. Pareil. Oui, monsieur. Ok? Ok. C'est clair et net. C'est clair. Bon. En de bon entendeur, salut, je veux pas entendre un... Non mais attends, comme ça. Mais Gérard, on sait très bien que Gwenaëlle et toi, il y a quelque chose. Il y aura jamais rien, de toute façon. Non mais si, c'est obligé. Alors, qui c'est qui... Alors, attendez. Alors, Gwenaëlle, tu vas attendre. Attends, qui c'est qui vient de dire ça? Je sais pas. Telle. Je crois bien que c'est Mimi Mati. Hein. Ouais, ouais, mais à mon avis, c'est Carole. Ah non, mais pas non, du tout. Mais arrête d'accuser Carole tout le temps. Ouais, c'est vrai, merci. C'est pas Carole. Tout ça qui a été dire qu'il y avait quelque chose entre moi et Gwenaëlle. Attends, Gérard, t'as vu comment tu lui parles? Non, mais vous avez tous répondu, il y a quelqu'un pas répondu, d'accord? C'est le meilleur pour la Ouais, mais d'accord, mais depuis tout à l'heure, t'as une voix toute mielleuse, très content. Ben voilà, mais ça prouve que. Et alors, Gwenaëlle, elle a pas encore répondu, d'accord? Avec le fait qu'elle n'ait pas répondu. Et alors, pour l'instant, j'ai le droit de poser des questions à qui je peux. Mais bien sûr, Gérard, que t'as le droit de répondre à qui je peux. Droit de réponse, vous allez le faire avec Françoise, d'accord? Françoise? Pourquoi tu parles de Françoise? Ah, il est amoureux de Françoise? Non, je suis pas amoureux de Françoise. Il y a un truc avec Françoise. T'as cassé avec Françoise? Ah, c'est bien compensé, hein. Axel ou Nicolas, c'est le même prix. Bon, on peut revenir au débat, s'il te plaît. Bah alors, Gwenaëlle, tu réponds. Oui, alors, je vais répondre à deux choses. La première, c'est que la personne dont du sexe féminin. Qui dit qu'entre Gérard et moi il y a quelque chose, bah qu'elle est au moins la continuité de dire ses actes et ses paroles en déclinant son identité, ce qui n'est pas le cas, hein, parce qu'on dit ses paroles et non c'est pas moi hein, qu'on arrête de m'accuser, bah que la personne qui est en train de dire ces choses bah, ait au moins l'honneur de décliner son identité, ce qui n'est pas le cas. Mais qu'est-ce que ça peut te faire? T'es prout machin ou quoi? Non, c'est pas prout machin. Oh Manu le malin, au lieu d'être au téléphone là, tu me calmes un peu les autres là. J'étais en train justement, Gérard. Tu me les calmes là. Gwenaëlle, elle a quelque chose à dire sur la cinquième saison, je voudrais bien l'écouter. Et les autres avant la fermer un peu. Ok. Oui, tu te calmes un peu, Gérard. Bon, si t'es pas content, tu raccroches, d'accord? Gérard, écoute, tu commences là à nous pomper. J'aimerais bien que tu passes sur un autre ton, c'est tout. Ouais, qui parle comme ça là? On est gentil avec toi, donc qui c'est qui me parle comme ça? C'est toutes les trois, toutes les trois. Excuse-nous, mais là t'es super désagréable ou quoi? Oui, je suis désagréable parce que. Non, mais t'en as que pour Gwenaëlle et Gwenaëlle par moi, Gwenaëlle par là, et Gwenaëlle est mien, et Gwenaëlle et Gwenaëlle et Gwenaëlle. Un peu trop loin, d'accord? Gwenaëlle est pas répondu. Quoi? Je vais répondre maintenant, d'accord? Et tu vas répondre aussi, là? Bon, laissez-la répondre comme ça, il se calme. Vas-y, ah mais qu'est-ce que tu n'es pas contente Tu parles à qui là? Ou Saint-Touli, tu restes poli. Il est en chaleur, Gérard. Ouais, vous allez voir tout à l'heure si je suis en chaleur. Vous allez voir le deuxième débat s'il va avoir lieu. Bah sur une double sodomie, tu peux comprendre. Ouais, bah si t'es pas contente, toi tu raccroches ton téléphone. Ouais, Gwenaëlle, vas-y, réponds. Alors Gwenaëlle, tu vas s'il te plaît. Bon, alors ça y est, je peux y aller. Ouais, vas-y. Oh joli. Ouais Manu, là, tu me les prends, là, où je suis comme l'autre fois, moi. Allez Gérard, repose ta question, Gwenaëlle, elle veut répondre. Tout le monde l'écoute. Non, mais c'est pas la peine qu'il la pose, la question, je la connais. Donc, je vais donner ma réponse, enfin, si je peux. Donc, je suis pour le mariage, mais j'estime qu'avant de se marier, il vaut mieux connaître la personne. Bah, ouais, je parie pas, madame. Ça n'a rien à voir avec la question, hein. Bon, pour l'instant. J'ai un petit message Minitel. Donc de la part de Christophe, 54 ans, âge 26, hein, donc. Ah ouais, 54 ans, âge 26, c'est bizarre. C'est pas mal, mon vieux. Quand même, la vie de coup pour Gérard, c'est sauter à la grosse Christine sous le pont de l'Alma, lui faire un enfant et l'abandonner. Oh méchant. Là, tu vois une chose, tu vois? Il faut rigoler, rigole. Gérard, on échange un camion CD de remix. Stop. Je réponds à la question. Et alors, Christian. Bon, ouais. Venu, là, tu te réveilles ou quoi, merde? Il n'y avait plus que les filles à l'antenne. J'ai plus de temps, mais merde. Viens nous. Hein? Oh, tu prends ça? Bon alors tu me les reprends son arme. Je les enlève tous. Donc Christophe, ta question Minitel, je te répondrai pas parce que Il n'y a rien à répondre. Il n'y a rien à répondre et maintenant, ça ne pourra pas revenir à la personne, ok. On devrait en entendre ça, le Christophe. Encore une question comme ça sur Minitel, ouais, je ne répondrai pas. Il y a Nanou qui te demande de lui rendre son god qui est apprêté pour la locomotive. Ouais, ben c'est ça, elle va se faire foutre. Et puis le string panther que t'as oublié à la maison, hein. Insultez Gérard. Bon, alors, on va poser la... On va poser la sixième question. Oui. Pourquoi associe-t-on toujours le mot de couple avec deux chiffres? Quoi? Est-ce que tu peux expliquer un petit peu, Gérard? Bah si, c'est pourtant évident. Mais c'est évident, vous comprenez pas ou quoi? Moi, je veux bien répondre à la question. C'est clair. J'en connais tout à l'heure. Ouais. À force de faire les clowns... Ils vont se faire jeter. Ils vont se faire virer, mais leur vie de paix. Pourtant, j'ai pas l'habitude de virer des nanas. Non, c'est vrai. Mais il y en a qui vont gerber, mais ça va être sec. Tu parles de moi, Gérard? Ah, il sonne, il y a ton tatou qui sonne. Tu peux répondre, c'est Carole. Non, j'ai pas mon tatou ici. Nicolas, il peut répondre. Vas-y, réponds. Carole, tu peux répondre. Vas-y, Carole. Alors, donc la question 2 plus 2, donc 1 et 1, 2, et 1 et 1, 2. 2 et 2, 4. Donc ça fait 2, Gérard. Ta réponse est... Comment? Elle est vachement claire, sa réponse. Attends, il s'est pas très bien. La meuf du 16e va se calmer, là. Gérard. Mais attends, la meuf du 16e, attends. Déjà. La grand-mère à Gérard. Gérard, t'énerve pas, attends, mon cœur. Attends, attends, non, t'arrêtes, s'il te plaît. Là, tu me chopes celui qui a dit ma grand-mère. De toute manière, c'est un mec. Alors là, tu me chopes Axel. Et c'est pas moi, hein. Non, mais attends, Axel. C'est pas moi. C'est reconnu. Mais c'est pas moi, Gérard. C'est pas moi qui prends, attends. Mais bon, quoi. Faut pas prendre les gens pour des canards sauvages non plus, hein. Alors si t'es pas content, tu dégages, mon pote. Eh ben attends, c'est tout le temps moi qui se fais accuser, j'ai rien. Attends, c'est pas lui, sur la famille, ok. Non, c'est pas moi qui ai dit ça, c'est bon. Gérard, est-ce que tu connais le club 2 plus 2? Non. Qui c'est qui pose cette question? 4 plus 4, Carole, et non? Ouais, moi je connais le 4 plus 4. Ouais, on parle de toi. Ah, celui qui s'amuse avec le tatou, je dégage. Gérard, reprends ton débat. Oh, tu les calmes au standard, Gérard. Mais écoute, il y a des gens qui vont vendre des trucs. C'est pas bien. Gérard, oh, tu dégages. Bon, oh, Philippe, qu'est-ce que j'ai dit la semaine dernière? Qu'est-ce qu'il a dit la semaine dernière? Philippe! Gérard! Oh, moi j'arrête, hein, ok? Philippe! Bah non, bah je continue pas. Mais si, j'ai dit à 50 fans de moi. Et ça se passe bien, allez, continue. Fais gaffe, parce que tout à l'heure, tu vas t'en prendre une dans ta gueule, toi. Que dégage maintenant, ok? Ok, c'est bon, Gérard, il te dérange plus là où il est. Allez, tu reprends ton débat. Bon. Reprends ton débat. À Gwenaëlle de répondre. Vas-y, Gwenaëlle. Oh, ils nous ont pas changé. Vas-y, Gwenaëlle. Si, si, c'est à Gwenaëlle. Non, ça pas à Gwenaëlle maintenant. C'est moi qui commande. C'est moi, non. Nicolas, il peut répondre? Vas-y, Nicolas. Moi, je pense que, bon, un mariage, c'est deux personnes. C'est deux bagues, c'est deux mains, c'est deux dans le lit. Enfin, voilà, c'est tout. C'est deux. C'est le chiffre 2 qui s'allie au mariage, voilà. Waouh. C'est beau, non? Non, c'est magnifique, là. Mais je vais remplacer Gérard la semaine prochaine. Gérard, tu devrais l'applaudir parce que c'est vachement philosophique. Et puis, Valérie. Tu te Ronaldise aussi, hein. Valérie. Oui, Valérie. Pour toi. C'est pas ce cirque. Mario. Valérie, oui, j'écoute. Attendeur. Bah, réponds. Eh ben, pour moi, c'est pas obligé qu'il y ait plusieurs chiffres. Hein. Il peut y en avoir qu'un et c'est chiffre 2. Mmh. Exact. Et puis voilà, donc plusieurs chiffres, ça sert à rien. Un couple, c'est 2 et 2, c'est qu'un seul chiffre. D'accord. Voilà, le débat est clos. Il a pas tout compris. J'ai répondu, mon ami. T'as répondu. Pas sur loup, elle y répond. Pas sur loup. Alors, pas sur loup, tu vois. Ouais, tu vois. Quoi? Patchouli? Oui, Patchouli. Il y a Patchoulou qui veut répondre. Mon petit Patchoulou. Il y a Patchoulou qui veut répondre. Oui. Alors. Vas-y, réponds. Moi, je sais pas. Non, mais même pas de la question, un peu cher. Hein? Non, mais tu peux répéter ta question? Non, mais attends, il faut pas prendre les gens pour non, mais écoute, elle est vachement compliquée, ta question. trop intellectuel. On a pas le même cuit que toi. Bon, Attends, Gérard, répète ta question, je vais y répondre. Ouais, et on... Il a dit pourquoi le couple est toujours avec les Gérard, Gérard, tu reprends un peu le débat, tu te calmes, et vas-y, vas-y. Surtout, t'enlèves tes doigts de ton anus. Oui, arrête. Bon, Jean-Jacques, je sais que tu as dégagé, Nicolas, tu veux vous dégager. Donc, Gérard, tu dégages maintenant. Ça commence à bien faire, là-haut. Ça commence à bien faire. C'est quoi, le sonneur, nom de Dieu? Bon, Gérard, écoute. Donc, Gérard, c'est quoi, Naël? C'est quoi, ça? C'est qui? Y'a plus les mecs, là. Bon, allez, hop. Non, moi, on met une pause, moi, quand ça... Moi, je continue. Je crois qu'ils sont calmés, là. Gérard, c'est quoi, Naël? Gérard? Oui. Allô, là, c'est Max, à l'appareil. Oui, Max. Oui, calmez-vous quand même, parce que là, Gérard, arrêtez de mettre de la musique derrière tout le temps. Hein. Ouais, c'est vrai. Parce que là, le pauvre, c'est très bien le démon, j'apprends plein de trucs ce soir. Eh, tu dis à l'autre là, qui se casse hein, avec sa caméra, parce que ça commence à bien faire. Tu calmes, Emmanuel Gamin, tu travailles au standard. Ah, parce que là, ça va pas. Max, j'ai 15 questions. Hein. Donc, Gérard, Max, 15 questions, Gérard. Bravo, derrière. Gérard, c'est quoi, Naël? On continue parce qu'il est 2h05. Oui. Donc, Max, je vais répondre à la question. Donc, le chiffre 2, parce que donc c'est un chiffre pair. Et pour commencer, si tu fais l'amour, il faut être 2, déjà. Mm-hmm. Alors, à mon avis, toi, tu dois être toute seule. Hein. Bon, c'est bon. Bon, Gérard, on reprend. Ah non, pas du tout. Oh, calmez-vous, on reprend. Gérard et Christine, ça fait 2,5. Hein. Bon, alors, toi, tu dégages. Au moins, ça fait 3. Celui-là, il vire, je veux plus l'entendre. Allez, vire. Allez, Gérard. C'est même pas la peine qu'il revienne sous un menton. D'accord, Gérard. Mais elle n'a pas répondu ça. Qui c'est qui vient de répondre ça? C'est moi qui ai répondu ça. Gwenaëlle. Ouais, mais qu'est-ce qu'elle a répondu? J'ai répondu à la nana qui a cru me casser en me disant que je devais être toute seule, que elle, avec la voix qu'elle a, avec les réponses qu'elle fait, c'est pas toute seule qu'elle doit être, parce qu'elle n'arrive pas à supporter déjà elle-même. Wow, bravo, Gwenaëlle. Bravo. Okay. C'est extraordinaire. Bravo, bravo. Parce que on t'apprécie tous, hein. Ouais, c'est vrai. De toute manière, si ça vous plaît pas, ça ne mène plus. Il y a quelques d'apprécie, genre. Il y a quelques pour un cent qui donnent à peu près des réponses. Des réponses. Bah oui, parce que ça s'appelle Gwenaëlle. C'est exactement aux questions que je pose. Mais c'est la septième question. Calmement, j'ai un poste. Ils vont répondre calmement à ta question, c'est promis. De toute manière, tu poses ta question. De toute manière, quel point commun entre les couples? Le point commun entre les couples. Voilà, donc la question est posée. Je crois que... Qui veut répondre? Valérie. Le point commun entre les couples, c'est que normalement ils sont tous deux, hétéro, homo ou bi. Non mais je vois pas. Le point commun, je vois pas hétéro ou bi. Non mais je te dis les couples, n'importe quel couple, que ce soit un couple d'homo, d'hétéro ou de bi. Un couple on est forcément deux. Oui. C'est ça le point commun entre tous les couples. Maintenant tu peux avoir un couple de perruches si tu veux, mais bon... voilà, le point commun entre les couples, c'est qu'ils sont deux et qu'ils s'aiment passionnément et profondément. Surtout profondément, pour certains. Ok. David, tu peux répondre. Non, mais attends, pour l'instant, on va demander à Carole. Oui, alors moi, je pense effectivement que deux couples, les points en commun, ça peut être la musique, ça peut être le cinéma, ça peut être la lecture, le sport, les loisirs, les voyages, tout ce que tu veux, Gérard. Non, mais attends. Est-ce que tu as bien compris la question? Oui, j'ai bien compris, au contraire de toi. Rien compris, Carole. Attends. Elle a rien compris, Carole. Je peux répondre? Non, attendez. Tu demandes le point commun, moi je te dis, dans un couple... Quel point commun entre les couples? Moi je pense que la différence, c'est... Moi, je pense que c'est justement le point commun. C'est le sexe. La différence d'âge. Celui qui vient de dire ça, tu as viré parce que je te reconnais, d'accord? C'est Nicolas. Ok, elle a rien compris du tout, Carole. Carole, patchouli. Moi, je comprends jamais rien, moi. Carole, c'est bon, patchouli. Ouais, donc moi, je dois dire que... Bon, Carole, t'inquiète pas, tu répondras, tu me rediras ça tout à l'heure. Merci, mon amour. Bon, derrière, vous vous calmez, s'il vous plaît. Vous allez vous calmer, s'il vous plaît. Ça y est, on est calme. Vas-y donc, il n'y a pas de soulier qui voulait répondre, Gérard. Donc, pas de soulier, donc tu voulais répondre quelle est sur la question 7. Ouais. Donc, je t'écoute. Non, mais je voulais dire qu'avoir des points communs, c'est super important dans un couple. Mm-hmm. Que avoir des différences, c'est important aussi, parce que sinon, on s'emmerde. Au niveau de l'âge ouais. Au niveau de l'âge, par exemple, ouais. Non, mais l'âge là-dedans n'a rien à voir. Non, mais l'âge n'a rien à voir. Attends, hein. Pas de soulis. Oui. Pas de soulis. Pas de soulis. Bon, attendez, moi je vais quand même vous dire une chose, que l'âge n'a rien à voir là-dedans. D'accord. C'est pas l'âge qui fait la différence. Exactement. Parce que, par exemple, moi je prends, admettons que je sorte avec quelqu'un de 19 ans, moi j'en ai 36, d'accord ? Vous le savez. Donc, de sortir avec une personne moins âgée que vous, ne veut rien dire. Non, mais attendez, tant qu'on s'entend bien avec la personne, si la personne veut prendre les mêmes principes, que le copain avec qui elle sort, par exemple, s'il est passionné de Formule 1 ou d'autre, parce que moi je suis passionné de Formule 1. Moi aussi. Hein? Donc, si la personne veut continuer à vivre sa vie avec, c'est son problème. Ouais. On est bien d'accord, oui, pas de soulier. La question, quel est le point commun des couples? Je vois pas pourquoi que tu mets l'âge. Bon, c'est pas grave, on enlève l'âge, alors moi je. Mais il faut faire attention parce qu'une femme peut être avec toi, Gérard, pour l'argent. Ah ouais, mais de toute manière, qu'est-ce que vous venez balancer l'argent là-dedans? Mais arrêtez quand vous dites ça. L'âge et l'argent n'a rien à voir, mais merde, arrêtez vos conneries. Arrêtez quand vous dites ça, vous me faites rire. Bah non, on n'a pas l'impression. Arrêtez, ça n'a rien à voir. Il n'a pas d'argent. Si on s'aime, on s'aime, et c'est tout. Ok, t'as tout à fait raison, Gérard. Eh ben, Gérard, je vais dire une chose. Gérard. Tu me les prends là au standard. Gérard. Tu me laisses. Mais il a raison. C'était beau ce qu'il a dit, Gérard. Gérard, c'est beau. Et sur Minitel, il y a quelque chose de beau aussi. Il y a Franck qui dit département 75, âge 22. T'as vu, c'est facile, je me suis pas trompé. Hein. Gégé, est-ce que tu peux te prendre en photo, ton anus écarté en fleurs et un billet de 100 balles dans la main droite? J'ai dit une chose que je vais faire des photos pour lui, d'accord? Donc, pas de soulis, tu finis de répondre à la question, s'il te plaît? Mais ce que je disais, c'est que avoir des points communs, c'est bien, mais il faut avoir des différences. Sinon, on s'emmerde en couple. Bah oui. Non? Oui. Bah d'accord. Et Gwenaëlle, elle a pas parlé. C'est vrai? Gwenaëlle, I miss you. Gwenaëlle. Gérard, c'était super beau. Tu te réveilles là avec les deux sons. C'est quoi cette histoire là? Quelle deux sons? Moi j'ai pas de sons, moi j'ai pas de sons. Gérard, t'es Miro. Gwenaëlle. Ouais, je suis Miro. Vous avez deux sons vous? Non, on reprend ton débat là. Bon, Gwenaëlle, réponds. Bah, on prend ton débat, Gérard. Gwenaëlle. Allez, on reprend ton débat. Gérard. Gwenaëlle, elle va répondre à la septième. Gwenaëlle. Gérard, ta gueule, hein. Hey, tu te réveilles, pas toi, Laria? Gwenaëlle. Elle est partie? Non, elle est pas partie, elle est là, mais elle attend que Gérard lui demande de parler. Elle est sage, Gwenaëlle. Oh, c'est quoi, là? Oh, Olive! Oh! Je le vois! C'est Gwenaëlle, tu joues au pipo de la clarinette. Bon, Pordard, ta gueule, hein. Puis Aurélien, ça le trappe un peu. Ça marche, là, ou pas? Ça marche. Bon, voilà. Alors, vas-y, Gwenaëlle. Oui. Donc, je suis entièrement d'accord avec Gérard. Je sais plus, c'est une fille qui a parlé tout à l'heure, je crois que ça doit être Carole. Non, c'est pas Tchouli. Non. Pas Tchouli ou Carole ou Valérie. Non, alors c'est Valérie. Oui. Sur le fait qu'un couple, effectivement, quel que soit le sort du couple, de toute manière, il faut qu'il soit deux. Il faut qu'il s'aime, de toute manière. Et puis donc, c'est important les points communs d'un couple pour pas tomber donc dans la monotonie du couple. Tout à fait. Alors, Gérard, votre avis sur la question? Donc, je sais pas, parce qu'il y a quand t'as même pas écouté, deux parce règles. Que tu n'as pas écouté. Si, j'ai écouté très bien ce qu'elle me disait. Mais qu'elle a dit. En tout cas, Gérard, ce que tu as dit, c'était très beau. Voilà. Moi, je suis d'accord. C'était très beau. Moi, je suis pas d'accord. Allez hop, tu vas mettre. Tu peux mettre. On va mettre un 10, tiens, peut-être pour les calmer un peu. Ouais, c'est quoi la prochaine question? Gérard, est-ce que t'arrives à toucher ton anus avec tes dents? Bon, toi tu dégages, ça c'est pas bien. Ah, pour Manu, il est parti, Gérard. Ça c'est Nicolas. Il va se calmer avec sa radio, hein. Dis-le, Gérard. On se calme! Merci! Vas-y, Gérard, tu peux répondre à la question là sur. Ça te dérange pas? Non, mais je répondrai tout à l'heure après le disque. Tu réponds jamais, Gérard. Et tu nous promets que tu réponds? Oui. De toute manière... Raché juré? Non, promets-le nous, parce que après tu vas oublier. Raché juré? De toute manière, il y a trois personnes. Et il me reste quatre nanas, normalement. Ouais. Allez, là, tu poses une question, on envoie à disque et on prend tout le monde après. Et donc... D'accord, il est perdu. Non, je suis un peu de chance. Raconte tous ces neurones survivants. Bon, toi déjà, tu as dégagé, c'est bon. Toi aussi, merci. Ah, Nicolas, tu dégages. Vas-y, pose ta question. Dans quel endroit se forment les coupes? Dans quoi? Quoi? C'est quoi, là, ce cirque au standard, là? Gérard, repose ta question et annonce le disque. Prends un pull, si tu veux. Dans quel endroit se forment les coupes? Les coupes? Ouais. On répond après ensemble, vous allez réfléchir. C'est quoi le disque? Et tu peux mettre du beurre avec ça glissera mieux. Tu peux mettre du beurre, ça glissera mieux. Très ouais. Et voilà, vous venez d'écouter, tu peux mettre du beurre, voilà. Donc on va continuer la suite du débat. Donc il est 2h07 du matin. On va se réveiller un petit peu si tout ouais. le monde est là. On va accueillir... Comment tu suis dans le sud alors? Oh, Sion, s'il vous plaît. Dis-moi Valérie, tu vas à la loco souvent? Non, moi j'habite dans le sud, je suis à côté de Marseille. Oh, vous êtes à l'antenne. Ah, ok. Chérie, là. Est-ce qu'on est passé à l'antenne? Allô, il n'y a personne. Ouais, allô. Attends Gérard, là il dit. On attend pas Gérard, dis-moi quand même. Il n'entend plus. Je sais pas. Et Valérie. Allô. Oui. Allô. Comment je t'ai pas entendu? Non, mais j'entends rien. C'est Gérard, moi je peux rien. Tu l'as vu, on n'entend rien. On n'est pas encore à l'antenne. Il y a un problème technique. Il y a un problème technique. Et Achille? Oui, on t'entend, Céline. On écoute ta question, Gérard. On écoute ta question. Après, je te laisse. Vas-y. Dans quel endroit se forment les coupes? Vas-y, pose ta question. Gérard. Dans quel endroit se forment les coupes? Il parle, j'entends rien, moi. Mais j'entends rien. C'est quoi ce bordel là? Je sais pas. T'as connerie ou quoi là? J'ai rien fait. Olivier, attends, Olivier, appuie sur le bouton là. Voilà, ça marche. C'est bon, vous l'entendez là? Ouais, c'est bon. C'est Olivier. Ah merde, je suis désolé. C'est pas grave. C'est toi qui fais des conneries encore. Je suis désolé, je connais bien. C'est toi qui voulais m'héberger chez toi? Oui. Olivier, tu te calmes. Ah, c'est toi. Bon, pour l'instant, la question n'est pas là. Vas-y. Vas-y. Bon, on y est téléphoné là, c'est. Tu te casses celui qui fait du tambour? Il y en a pas qui font du tambour, j'ai encore. Dans quel endroit se forme le couple, Valérie? Alors, je réponds. Attends, répondez chacun votre tour. Vas-y, réponds. Valérie. Il y a Valérie qui te répond. Je veux de la ventilation. Tu veux de la ventilation, tu fais de la ventilation avec ta main. Voilà. Quoi, alors, il faut répondre ou pas? Bon, arrête. Gérard, c'est moi qui commande. Ouais, mais attends, il fait trop chaud là-dedans, tu mets de la ventilation. D'accord, allez, je souffle. Non, allez. Dégage, toi, putain. Bon, il y a Valérie qui veut répondre. Oh, dis-lui qu'il dégage, mets-moi un peu de ventile. Il y a Valérie. Eh, tu lui dis qu'il dégage maintenant. Il fait de la ventile. Non, mais moi, c'est pas grave. Il n'y a pas un bradeur ici. Et ça ne regarde pas, tu histoire de ventile. Alors, Valérie. Vas-y, Valérie. Alors, j'y vais. Les couples se forment au restaurant, à la bibliothèque pour les intellectuels, en discothèque, par exemple, la loco sur distribution de tracts. D'accord, merci pour la pub. Un peu partout, dans la rue, dans un café, dans le métro, sur le trottoir, partout quoi. Mmh. Et puis dans des endroits où il y a du monde de préférence. D'accord, ok. Et puis dans un zoo pour certains. Mais elle d'accord. Ouais, ouais, le zoo quoi. Dans les clubs d'échangistes, pas mal. Dans les boîtes homo, dans les boîtes de lesbiennes, dans toutes sortes de boîtes qui existent à Paris, Paris by Night. D'accord. Patchouli. Patchouli. Oui, Patchoulou, oui, mon petit Patchoulou. Oh, tu travailles, s'il te plaît. Mais je suis réveillée. Alors, tu réponds à la question? Oh, bah écoute, je sais pas, moi, on peut rencontrer n'importe qui, n'importe où, il n'y a pas d'endroit, hein. Ouais, d'accord. Quoi, bah d'accord, c'est bah, elle a raison, hein. Voyons, Quoi, bah dis donc. Elle a raison, Gérard. Hein. Attends, moi j'ai rencontré. Tu peux rencontrer ton mari, mais. Enfin, ton copain ou n'importe qui, Mario. Mais n'importe où. Non, mais Patchouli. Oui. T'as plus de chances de rencontrer un mec en boîte ou dans la rue ou là où il y a du monde plutôt qu'au pôle Nord. Donc c'est pas n'importe où, tu vas au pôle Nord, tu vas rencontrer quoi? des huskies et des grizzlies, voilà. Bah, et attends, mais c'est déjà ça, attends, j'ai vu en quelqu'un. Ah, mais Gérard, le plus simple... Gwenaëlle, Gwenaëlle. Bah oui, donc je suis d'accord qu'avec Valérie, on peut rencontrer l'homme ou la femme de sa vie... soit en discothèque, soit dans un restaurant, soit un mariage, soit... Surtout un mariage. Pourquoi pas dans un centre course, tant que tu y es. Bah ouais, pourquoi pas. Monsieur, moi j'en suis tous les matins. Dans une grande surface. Il faut que tu lui tiennes la main dans le champ de course, hein. Bah oui, quand même. Eh oui, sinon ça va pas. Je vois pas le rapport avec la question. Bah c'était un poème à toi, hein, si tu t'en souviens pas. Gérard, ouais. Est-ce que t'as déjà tombé amoureux de tes professeurs? Amoureux, s'il te plaît. Oui, amoureux de tes professeurs. À pourquoi il était à l'école? Ah bah ça, je peux pas te dire parce que j'ai pas essayé. Non mais là, Gérard a fait ses études. Oh, Manu là. Gérard, quoi? Tu me prends les mecs là, il y a trop de bordel là. Non, il y a pas de bordel, ils disent rien les mecs. Attends, Gérard, il a pas répondu. On a rien dit, Gérard. Et les mecs qui pensent ça, ils ont la bouche pleine. Bah Gérard, on a rien dit. On n'a rien dit, Gérard. Non, mais Gérard a fait ses études supérieures. Non, mais regarde, ça te regarde pas. Gérard. Oui, c'est qui? Bah alors, tu peux répondre ou pas? C'est qui pose? C'est pas Tchouli. Non, mais pour l'instant, j'ai pas entendu Gwenaëlle répondre à la question, parce qu'il y en a qui sont mis à faire des conneries. Mais attends, après, tu pourras pas répondre à ma question. Vas-y, Gwenaëlle. Réponds. Bah, non, bah, c'est à toi de répondre. Non, bah, réponds déjà à mes questions, après, je répondrai à la tienne. Non, mais Gérard a fait ses études supérieures jusqu'en CM2. Gwenaëlle, s'il te plaît, tu réponds. Ah, ben Gwenaëlle, elle a répondu que j'étais d'accord avec Valérie sur le fait qu'on peut rencontrer l'homme de sa vie ou la femme de sa vie, soit en discothèque, soit dans un restaurant, un mariage, tout événement dans la vie, on peut rencontrer l'homme ou la femme de sa vie. Ta gueule. Gérard, c'est pas gentil, hein. Oh, c'est méchant. Non, mais t'inquiète pas, c'est pas moi qui ai dit ce mot-là, bah, non. C'est Manu, en sondage, tu vas te réveiller. Allez, bonne excuse. Parce que là, ça commence à bien faire. Je suis sûr que c'est François. Tu vas te réveiller, Gérard, Manu, s'il te plaît. Pose ta question, il mène mieux ton débat, peut-être que ça ira mieux. Non, mais le mec qui s'est mis à dire ta gueule, ils sont tous calmes, là. Non, non, non. C'est François de Belgique, hein. Non mais attends, dans ce cas-là, celui qui s'est mis à dire ça, il va dégager vite fait maintenant. Ça va être clair et net. Ça va être clair et net. Maintenant, je vais répondre à la question. Donc, pour répondre dans quel endroit que nous... Gérard, oui. Où est-ce que tu as rencontré ton ex-femme? Laquelle? L'ex-femme. Je sais pas, j'ai pas regardé ce matin. Je la ressortirai, hein. Ah, il faut. Olivier, si c'est toi qui t'amuses à mettre ça, c'est pas la peine. C'est pas moi, ça me fait rire. C'est pas lui, genre. À mon avis, c'est des pirates qu'on entend. Tu sais que Caramel. Ouais, non, mais même. Dans ce cas-là, moi, le deuxième débat, ça va aller vite. C'est moi qui va prendre les gens. Et reprends un peu ton débat en main. Ouais, Caramel, c'est bien une chose, bordel. Non, il y a quelqu'un qui est en train de faire caca, c'est pas cool. Arrêtez de tirer à tous Donc, je répondrai pas à cette question. Ça répondra. On s'en fout, ça. Et moi, je fais ta gueule, Gérard. Ouais, bah tu fais de la gueule, oui. Ah, Gérard, c'est. Mathieu, je peux te répondre. Que pensez-vous de la différence d'âge dans les couples? Les uns après les autres. Gérard, c'est Gwenaëlle. Valérie. Non, Valérie, pour l'instant, Gwenaëlle, s'il te plaît, tu te calmes. Alors. Les mecs, si vous êtes pas. Attends, Valérie. Bon, là, c'est quelqu'un de la radio qui s'est mis à perdre Jean-Luc. Mais non. Nicolas, comme t'as une grande gueule, tu vas l'ouvrir, tu vas répondre tout de suite. Jean-Luc C'est Nicolas. C'est Nicolas. Mais Nicolas, c'est Mathieu qui le remplace. Tu travailles au sondage ou quoi? Bon, c'est bon, ça y est, il n'y a plus de mec. Bon, j'enlève mes lunettes. Alors, Nicolas. Valérie. Nicolas, tu réponds, s'il te plaît. Tu m'as dit les enlever, Gérard. Bon, alors, c'est bon. Alors, Valérie, c'est bon, laisse-les où qu'ils sont. Bah alors moi, la différence d'âge, ça n'a pas d'importance parce que mon copain, il a 11 ans de plus que moi. Et bon, tout se passe très bien. Et je dirais même que ce n'est que mieux parce que les mecs de mon âge, c'est pas qu'ils ont rien dans la tête, mais presque, quoi. Donc on s'adapte difficilement et on va chercher plus loin. D'accord. J'ai dit qu'on parlait pas de la loco. Bon, oh. C'est vrai qu'à la loco, il n'y a que des vieux, c'est pas mal aussi. Quand je parle au standard, d'accord? Tu calmes un peu là. Cette heure, ça va aller vite, il n'y a pas de... C'est quoi, là? C'est pas moi, c'est ma sœur qui bavarde entre les cuisses d'un catcheur. Il y a un casque qui écoute un petit peu aussi, quoi. J'écoute, mais il n'y a que les filles, là, à l'antenne. Ouais. Alors, Gerlet. Jean-Luc. C'est quoi, là? C'est peut-être les filles qui mettent ce bruit. Non, mais c'est pas une fille, ça, c'est un mec qui imite Gérard. Non, c'est un mec. D'accord. Je vais faire un tour dans les studios. On va rigoler. Vas-y, va faire un tour. Non, non, là, il continue son débat. Vas-y, Gérard, on prend son débat un peu. Oui, alors, là, je n'ai rien à voir. Non, non, tu lui laisses. Tu lui laisses le casque. Merci Gérard. Gérard, tu écoutes ce que Carole te dit. Gérard, je ne peux pas le brancher au standard. T'assois et tu écoutes débat. Ce que Carole te dit. Vas-y Carole. Carole, je t'écoute, vas-y. Non, non, tu le prends. Oh non, non, je ne peux pas faire rien. Ah, c'est le bordel. Carole, je t'écoute. Bon, alors là, je n'ai rien à voir parce que moi, il y a 6 ans, j'ai vécu avec un homme de 80 ans. Et je veux dire, c'est pas parce qu'il avait 80 ans qu'il avait rien dans la culotte et dans la tête. Et donc, je pourrais vivre avec toi, Gérard. Et dans le portefeuille. Donc, ça me fait une belle jambe. Ton portefeuille aussi, Gwenaëlle. Pourquoi t'en as qu'une ? Valérie. Il en avait dans le portefeuille ? Ouais, beaucoup d'argent. C'est pour ça que pas de soulis. Non, non, je l'aimais. Pas de soulis ? Oui. Pas de soulis ? Oui, je suis là. Tu réponds, s'il te plaît ? Oui. Pour moi, la différence d'âge, bah écoute, à un certain âge, il n'y a pas de problème. Mais quand à partir de, je sais pas, par exemple, t'as 40 ans et l'autre a 60 balais, bah à 40 ans, t'as peut-être envie de faire autre chose qu'à 60 balais. Donc, à bout d'un moment, eh ben, à mon avis, ça entre en jeu et ça marche pas toujours. Mm-hmm. Voilà. Gwenaëlle. Gwenaëlle. Gwenaëlle. Oui. Gwendel. Oui. Gwendoline. Moi, oh, tête de pioche. Moi, tu réponds, tête de pioche. Ah, pas envie. Tu veux pas répondre? Non. Bon, d'accord. Oh, Gérard, dis donc. Et toi, Gérard? Bah, de manière, là, je. Bah, de manière, si Gwenaëlle veut pas répondre. Je l'ai dit tout à l'heure, l'âge n'a pas d'importance. J'avais envie de savoir de répondre, Christine, on a dit de me calmer, alors je vous calme. Pourquoi, Gérard? Attends. FBI. Il y en a déjà un tout à l'heure. Mais c'est pas grave. Il va se prendre un casque dans la tête. Mais oh, c'est fini, le bordel ou quoi? Bon, Gwenaëlle, s'il te plaît, tu réponds à la question. Gwenaëlle. Elle veut pas répondre, laissez-la tranquille. Vas-y, viens, toi, réponds d'abord. Non, mais attends, moi, je pose des questions, Gwenaëlle, je voudrais bien qu'elle réponde. Alors, j'ai dit que tout à l'heure, tu m'as dit de me calmer, alors que j'avais envie de répondre à la question. Maintenant, j'ai pas envie d'y répondre parce que je suis pas calme. Voilà, alors moi je te demande de répondre à cette question-là, s'il te plaît. Ça devient impossible de travailler comme ça sur un débat, hein. Non, mais ça, c'est rien, t'inquiète pas. Allô? Alors, oui. Allô? Gwenaëlle, on t'entend pas, Gérard. Allô, Carole? Oui. Gwenaëlle. On t'entend rien, Gérard. Regarde en rentaine, bon. Hein. Comment? Est-ce que tu entends, Gérard? Moi, j'entends plus rien. Moi, j'entends plus rien non plus. Allô? T'appuies sur où, toi? Allô? Allô? Moi, j'entends Gérard, moi. Allô? Mais moi, moi, je t'entends Gérard. Allô? Oh, il m'entend pas, Gérard. Nicolas, il t'entend, Nicolas. Axel, moi je t'entends. Et voilà. Carole, Axel t'entend oui, aussi. Gwenaëlle, est-ce que tu m'entends? Non, j'entends rien. Non, moi j'arrête, allez hop. Mais Carole, ça a coupé, c'est pas possible. Gérard. Allô, Gérard, est-ce qu'il est là? Oh, c'est le bordel, moi j'en ai marre. Allô. Ouais, moi j'arrête. Mais on est là, nous. J'arrête tout. J'arrête tout. Hein, mais je suis un transsexuel, j'arrête tout. Mais y'a les mecs, t'entendent? Mais merde, personne m'entend. Mais si Axel et Nicolas, ils t'entendent. Axel et Nicolas, mais t'entendent. Mais t'es con, allô? On t'entend pas, Gérard. Bouton, t'as touché un bouton, Manu. Les filles? Manu, oui. Le allô, bouton. Mais tu comprends pas, Gérard, la question, nous. chose, ça se termine au tribunal. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi ça? Qui c'est qui s'amuse à envoyer des trucs? Ah non, non, non, non! Ok, point final à la ligne. Conclusion. Oh, c'est moi qui viens prendre le son là, en conclusion. On va prendre Karine à la place de Manu. Des messieurs, moi j'en suis tous les matins. Bon gueule. Oh, tu fermes bien. Jean-Luc. Tu me prends tout le monde là, tu me les calmes. Toi, tu dégages de derrière moi. Arrête. Là, tu vires. T'as mangé pas de son anus comme ça, quoi. Tu vires. Bon, et tu appelles Karine alors. Oui, bonsoir, monsieur. Je m'excuse de vous déranger. Tu les calmes ou quoi, au standard, toi? Y'a plus personne, Gérard. Bon, Karine, s'il te plaît, tu viens faire la deuxième ligne du standard, s'il te plaît, merci. Pour le deuxième débat. Donc, on va faire la conclusion du premier débat. Toujours au même problème. Putain, mais qu'est-ce qu'il fait au standard, lui? Merde! Arrête, Gérard. La conclusion, un par un, ils sont calmes. Alors, vas-y, Gérard, maintenant. Alors, Nicolas. Ouais, moi je pense que l'amour c'est beau, voilà. D'accord. Valérie. Dans les chats de la loco. D'accord. Alors c'est bien. Wow, tu viens. J'ai pas regardé ce matin. Oh, Gérard. Bon, Nicolas, tu. Dors. Attends, je veux juste te dire un truc. Tu sais que bon, moi je vais au chat de la loco souvent. Non, mais bon, hein. Et j'ai un pote qui s'appelle Pendant, il paraît que tu dois croquer une boule. Alors bon, si t'as faim, tu vas t'acheter des pépitos chez eux. Tu dégages. On dégage maintenant avec ta caméra là. Oh, tu dégages. Qu'est-ce que tu fous, vas-y. Putain, mais c'est quoi? Arrête. Ok, point final à la ligne. Bon, allez, hop. Allez, la conclusion. Mais pourquoi? Gérard, ta conclusion. Oui. On n'entend plus Gérard. Non, c'est quoi, là? Gérard? Gérard, ta conclusion. Gérard. Allô? Gérard. Mais j'ai pas de con, c'est personne, là. Allô, Gérard? Mais si, vas-y, oh allez-y, la conclusion les uns après les autres. Bah alors, c'était à qui maintenant? Alors, moi, je pense que ce débat a été. Valérie très Valérie. Oui, oui. Vas-y, Valérie, conclusion. À toi. Bah alors, moi, je veux dire que le couple, c'est forcément deux, parce que couple, ça vient de copuler, et puis on peut copuler qu'à deux. D'accord. Et toi et moi, c'est quand tu veux. Oh, d'accord. Carole, c'est joli, hein. Moi, je veux dire que. Bon, oh bah, tu travailles, Carole, s'il te plaît. Bon, allez, c'était bien, puis voilà, pour la ligne, quoi. Bon, d'accord, ok. D'accord. Pas de folie. Bah, moi, je voulais dire que, en fin de compte, ton débat, bah, ce soir, c'était vachement bien. Je retourne chez toi et c'est bon. Ah, bah, c'est sympa. Bah, celui qui s'amuse. Gérard, merci. Je suis en mesure de te revire, là. Pas de folie. Oui. Pas de folie, je t'écoute. Oui, bah, je disais que ce soir, t'avais fait un super débat. Ok. Et t'avais bien répondu et que c'était vachement sympa. Pour une fois. Gwenaëlle. Oui, alors, la conclusion, c'est. Le couple, c'est un aboutissement de la vie, de toute manière. Et puis, Oh oui. Oh, mais merde, qu'est-ce que tu fais, Manu, au standard? Elle a un téléphone pourri, Gérard. Non, non, elle a pas un téléphone pourri. Bah, elle a un téléphone pourri, quoi. Oh non, mais là, c'est bon. Le standard, il est tout neuf, Gérard. Ils l'ont changé il y a deux jours. Non, elle a pas coupé. Non, mais il l'a enlevé, il l'a raccourci. Non, non. Ah bah tu la rappelles, je veux pas le savoir. Non, la Manu, on va jamais réussir à faire la conclusion si tu continues à merder merde comme ça. Merde. Parle-lui, Gérard. Gérard. Gwenaëlle. Oui. Alors, conclusion. Donc, ma conclusion. Bon, toi, dégage de là. Gérard. Ouais, si je te prends la tête, c'est le même prix. Allez, vas-y. Gérard, donc ma conclusion, je disais que donc. Le couple, c'est ça pour que c'est bout. C'est pas moi, c'est son téléphone, Gérard. Bon, ok. Bon, allez, c'est bon. On a pas entendu la conclusion. Non, mais j'ai pas entendu la fin de sa conclusion. Apparemment, il est en train de jouer avec. T'es en train de jouer avec. Regarde Regarde et parle-lui. Vas-y, Gérard, parle-lui. Il y a plus qu'à une antenne. Il y a plus qu'à une antenne. Alors retourne au micro et parle lui. J'écoute. Oui. Et je disais que donc ma conclusion, c'était que le couple, c'est l'aboutissement dans la vie. Et donc, c'est fait pour avoir des enfants, c'est aimer et partager les joies de l'être aimé, enfin la totale, quoi. D'accord. Ok. Axel. Dire que débattre. Axel. Pas. Oui. Allô. Je ne fais rien, Gérard. Allô. Allô, Gérard. Allô. Allô, Gérard. Oui, c'est Axel. Gérard. C'est pas pour ça de parler. Oui, c'est Axel. Au prochain débat, faut vraiment que tu demandes l'aide de Karine, hein. Oui, c'est Axel. Vraiment. Bon, Karine. Axel. Karine. Axel. N'importe quoi. Axel. Putain, mais c'est quoi ce bordel? Axel. Quoi, Axel. Axel. Axel. Axel. Pas, Gérard. Axel. Axel. Axel. Axel. Karine. Gérard. Gérard, c'est Axel. Gérard, c'est Axel. Le casque. C'est quoi ce bordel là? Le casque. Allô, c'est Axel. La conclusion, Axel. Axel. Oui. Ta conclusion. Ouais, je vais te la faire, ma conclusion. Tu m'entends? Tu m'entends? Non, je t'entends pas. Ah ouais. Bon, allez, j'arrête. Hop. Top d'air, mon pote. GG. Ça vient pas du standard, ça vient de son téléphone. Mais c'est pas possible de faire une conclusion comme ça, personne. Gérard. Mets ton casque. Allez hop, moi j'arrête. Gérard. C'est pas là. Gérard. Regarde, elle est là, Karine, tu vois, ça change rien, ça vient pas. Non, c'est merde, tu viens là ou quoi? Gérard, tu réponds, merde. Oh non, moi, merde. Arrête de crier. Arrête de crier. Attention au micro. Arrête de crier. Mais viens là, merde, c'est quoi ce bordel? Bon, Gérard, tu réponds ou le merde? Gérard. C'est quoi les problèmes? C'est quoi là, tu me fais, toi, à l'arrière? Quoi? Gérard. C'est bordel. C'est Manu et Olivier, là, arrêtez un peu. Non, mais on fait rien. Gérard. Putain, mais c'est quoi ce cercle, là, depuis tout à l'heure? Gérard. Fais ta conclusion. Fais ta conclusion tranquillement. Gérard. C'est Axel. Alors, Axel, conclue. Gérard. Fais la conclusion? Ouais. Alors, bon, le débat ce soir, c'était excellent. Excellent. Excellent. Excellent. C'était pas trop mal. Et je voulais te dire que je t'aime. Ouais, bah dégage, allez, bonne nuit. Que je t'aime. Bonne nuit. Que bonne je nuit. Voudrais te dire, déclarer non, ma femme aujourd'hui. Les bananes de rocker et... Car je t'aime beaucoup. Ouais, bah c'est bon. Moi aussi. On va mettre les bananes de rocker. Non, mais je t'aime, Gérard. Ouais, non. Bah bonne nuit. Fais ta conclusion. Je t'aime, Gérard. Je veux te voir. Gérard, fais ta conclusion aussi. Gérard. Ok. Non, Gérard, tu fais ta conclusion aussi. Conclusion, c'est dommage parce... du débat. Ils sont tous partis, Gérard. Ils sont tous partis. Il n'y a plus personne. Tu peux me la gueule ou quoi, là? Non, regarde, j'éteins la tranche. Il n'y a plus rien. Donc, conclusion, c'est dommage parce que ça, je pensais que le premier débat allait bien se passer comme les autres. Ben, oui. Et apparemment, ça a foiré. Mais comme là, ça continue. Donc, j'espère que le deuxième, il va se passer mieux que ça parce que sinon, je fais 6 questions et à 3 heures, j'arrête. Donc, en de bon entendeur, c'est d'accord, mais ta conclusion sur le débat parce que sur ce premier débat, de manière... Qu'est-ce que t'en penses, toi, alors? Moi, personnellement, j'ai pas posé toutes mes questions et j'aurais bien voulu que tout le monde réponde. D'accord. Et la vie en couple? Et la vie en couple, de toute manière... Toi, à 2, à 3, à 4, t'es d'accord? Non, ça se fait à 2 et c'est tout, point final à la ligne. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Tout ce que j'ai à dire. D'accord. Et le disque, c'est quoi? Les bananes de bananes dures. C'est tout? Oui, c'est tout. Ouais, c'est tout. Avec, je me gratte, trace de frein et c'est tout. D'accord.